Chapitre 14 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1, chapitre 14. On est puni pour s'opiniâtrer à une place sans raison. La vaillance a ses limites, comme les autres vertus. Lesquels franchis, on se trouve dans le train du vice, en manière que par chez elle, on se peut rendre à la témérité, obstination et folie, qui n'en sait bien les bornes, malaisées en vérité, à choisir sur leurs confins. De cette considération est née la coutume que nous avons aux guerres, de punir, voire de mort, ceux qui s'opiniâtrent à défendre une place qui, par les règles militaires, ne peut être soutenue. Autrement, sous l'espérance de l'impunité, il n'y aurait pouillé qui n'arrêtât une armée. Monsieur le connétable de Montmorency, au siège de Pavie, ayant été commis pour passer le Tessin et se loger au faubourg Saint-Antoine, étant empêché d'une tour au bout du pont, qui s'opiniâtra jusqu'à se faire battre, fit pendre tout ce qui était dedans. Et encore, depuis, accompagnant Monsieur le Dauphin au voyage de l'Allemont, ayant pris par force le château de Villanes et tout ce qui était dedans, ayant été mis en pièces par la furie des soldats, hormis le capitaine et l'enseigne, il les fit pendre et étrangler pour cette même raison, comme fit aussi le capitaine Martin du Bellay, lors gouverneur de Turin, en cette même contrée, le capitaine de Saint-Bonnie, le reste de ces gens ayant été massacré à la prise de la place. Mais d'autant que le jugement de la valeur et faiblesse du lieu se prend par l'estimation et contrepoids des forces qui l'assaillent, car telle s'opiniâtrerait justement contre deux couleuvrines qui feraient l'enrager d'attendre 30 canons, ou se met encore en contre la grandeur du prince conquérant, sa réputation, le respect qu'on lui doit. Il y a danger qu'on presse un peu la balance de ce côté-là, et en advient par ces mêmes termes que tels ont si grande opinion d'eux et de leurs moyens que ne leur semblant raisonnable qu'il y ait rien digne de leur refaire tête, ils passent le couteau partout où ils trouvent résistance, autant que fortune leur dure. Comme ils se voient, par les formes de sommation et défis, que les princes d'Orient et leurs successeurs, qui sont encore, ont en usage, fiers, hautaines, et pleine d'un commandement barbaresque. Et au quartier par où les Portugais écornent les Indes, ils trouvèrent des États avec cette loi universelle et inviolable, que tout ennemi, vaincu par le roi en présence, ou par son lieutenant, est hors de composition, de rançon et de merci. Ainsi, surtout, il se faut garder qui peut de tomber entre les mains d'un juge ennemi, victorieux et armé. Fin du chapitre 14.